questions sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alassane Yacouilly sera avec nous pour expliquer les maladies génétiques dans le bus magique. Et Tania nous dira ce qui s'est passé dans le domaine sportif et ailleurs. Et sa chronique sport est filochée. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis en ce lundi 28 novembre 2016, à 150 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va très bien, oui, toi. 150, oui, chiffre rond. Oui. J'aime ça, ça plaît à mon toc. Il faut pas lâcher, hein? Non. Fin de session pour oui, plusieurs. Je sais. Lâchez pas. Oui. Plus la session avancera, plus peut-être que je commencerai à vous dire combien il reste de jours avant le congé de Noël. Ouh, peut-être. On verra bien. Mais avant de parler au futur comme ça, parlons un petit peu plus au présent, au futur très très rapproché, en parlant de ce qui s'en vient à l'émission d'aujourd'hui. À 8h, Alassane Yacouilly va être là pour parler de maladies génétiques dans sa chronique Le Bus Magique. Toujours très intéressant de parler du corps humain avec elle. Toi, plus tard, tu vas nous parler entre autres de sport, mais de ta vie personnelle aussi. Oui, bien parce que en fait, cette fin de semaine, je me suis rendue du côté d'une inauguration. Donc, je vais vous en parler un petit peu de ce côté-là, mais je vais aussi vous faire les sports comme à chaque matin. Comme à chaque lundi matin. Donc, bien évidemment, on va faire le retour sur ce qui s'est passé du côté des Patriotes de l'UQTR. Il n'y a pas eu grande action cette fin de semaine. Il n'y a pas beaucoup de nos équipes qui étaient en action. Par contre, ça s'est passé du côté surtout des joueurs de hockey et du côté du badminton. Donc, je vais vous revenir avec ça. Et bien évidemment, les équipes locales de d'autres organisations. Voilà. Voilà, c'est juste après à la Sania vers les 8h30. On a aussi du site un fait en fin d'émission, mais on va commencer avec un petit bloc d'une chronique qu'on appelle les instructions d'assemblage dans quelques instants. Mais avant ça, une très courte pièce de Dearly Beloved sur le palmarès anglophone. Qu'est-ce que c'est? I tried to leave. Ah, j'ai essayé. Ah ouais? Mais non, faut faire l'émission. Non, pas le choix. Essayer de retourner me crier, mais non. Il reste pas long, ouais. On va y faire. Oui, le rhume va finir un jour aussi. Exactement, ben oui. Yeah. Dearly Beloved, I Tried to Leave à Assemblage Rocky. Maintenant, c'est le moment de savoir ce qu'on, comment on fait pour vivre mieux. Vivre. C'est les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Hein? Ceux qui sont sur le campus de l'UQTR, en passant, la solution à Internet qui fonctionne pas, c'est d'avoir deux connexions à Internet dans le même bureau. Parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas de chronique. Ouais, c'est ça. Vive l'UQTR. Sinon, vous avez probablement pas Internet dans l'université présentement. Bonne chance à vous. Bref, commençons par les nouveaux MacBook Pro qui ont été annoncés il y a quelques semaines. T'as sûrement remarqué les nouvelles Touch Bar. Mm-hmm. C'est la barre qui va à la place des touches F1 à F12. Oui. Et c'est un genre de petit pavé lumineux, un écran, si on veut. Donc, c'est touché maintenant qui vous permet de tester la Touch Bar de MacBook Pro, même si vous n'avez pas de MacBook Pro. À la place de l'acheter à je sais pas combien de milliers de dollars, là, presque 2000, ben, et que vous pouvez pas vous acheter ce portable-là, et vous voulez savoir, en fait, si un jour vous devriez vous l'acheter, oui. Et ben, toucher une application qui vous permet de voir le Touch Bar pour le tester numériquement. Donc, l'idée, c'est simple, c'est un simulateur pour les développeurs pour tester leur concept de Touch Bar. Mais ça fonctionne aussi très bien pour ceux qui veulent juste voir comment ça marche. Lorsque l'application fonctionne, on peut l'amener à l'écran avec un raccourci clavier et vous allez voir sur votre écran, bien sûr, les options Touch Bar pour l'application que vous utilisez. Donc, vous allez pouvoir déterminer si c'est une gimmick ou pas pour pouvoir acheter votre MacBook Pro avec Touch Bar. C'est gratuit, ça s'appelle Toucher. Ooh. C'est par la compagnie Red Sweater. Ensuite, je me suis toujours demandé la différence entre les rues, les boulevards, les avenues et d'autres chemins. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander ça, toi? Ouais. Et pas très curieuse? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une vidéo de la chaîne YouTube de Vox. Phil Edwards nous dit exactement ce que ça veut dire dans les villes. Évidemment, cet article-là est américain, mais on utilise les mêmes mots sensiblement en français. Donc, une route, road, c'est quelque chose qui connecte deux points. Donc, c'est la convention la plus simple. Ensuite, bon, ici, c'est way, comme dans un chemin. C'est une petite rue sur le bord d'une grande route. Rue, street, un endroit public avec des bâtisses des deux côtés, avec des avenues perpendiculaires. Avenue, c'est justement ce qui est perpendiculaire. Donc, un chemin public qui a des bâtisses ou des arbres de chaque côté et c'est perpendiculaire aux rues. Donc, t'as rue d'un côté et avenue de l'autre côté. Boulevard, c'est une rue très, très large qui a des arbres et de la végétation des deux côtés. Et souvent, il y a une médiane dans le milieu des boulevards. Tu comprends, genre de petits trottoirs au milieu. Ouais. Là, ici, bon, des trucs que j'ai peut-être moins l'équivalent en français, mais lane, c'est une route très, très mince, souvent trouvée en campagne, donc c'est le contraire d'un boulevard. Drive, qui est une longue route qui est déterminée par son environnement, comme s'il y a un lac ou une montagne autour, on va avoir drive parce que ça va contourner l'emplacement. Terrasse, c'est une rue qui suit le sommet d'une côte. Place, qui est une route ou une rue qu'il n'y a pas, qui mène vers un cul-de-sac. Oh, OK. Place. Ouais. Et court, qui est une rue ou une route qui se termine en cercle ou en boucle. Oh. Ouais. Chaque type de route qui va vous aider si vous avez un GPS, que vous êtes en voyage aux États-Unis, voilà. Pas pire. Ouais. Ensuite, on vous suggère d'utiliser des réponses automatisées pour gérer vos courriels lorsque vous êtes en vacances. OK. Ouais. Alors, on vient de passer l'Action de grâce américaine. Bientôt, le congé des fêtes s'en vient et vous devriez probablement pas recevoir de courriel de votre patron si lui-même est en vacances. Mais ça pourrait arriver et dans ces situations-là, c'est mieux d'utiliser des réponses brèves et pour dire, dans le fond, que vous allez gérer ça plus tard ou encore même mettre une auto-réponse, une réponse automatisée, voilà, pour dire que vous êtes en vacances. C'est le conseil The Muse, le site de conseil with The Muse, qui explique que si vous répondez à vos courriels de travail lorsque vous êtes en vacances comme n'importe quel autre jour, ça va enlever la frontière entre le travail et la vie normale. Hein? Vous voulez maintenir une distance de vous à votre travail lorsque vous avez congé et une réponse automatisée aide à établir le fait que vous n'êtes pas disponible. Si vous ne voulez pas installer ça, par contre, il y a un truc, c'est d'envoyer le petit message qui dit que vous allez gérer ça quand vous êtes de retour. Par exemple, genre, « Joyeuse fête, hey, ça va être le fun quand je vais pouvoir m'occuper de ça plus tard. Mm-hmm. » Donc, vous devez juger par vous-même comment vous allez organiser ça, mais quand même, l'idée est là à la base. Évidemment, de ne pas avoir un message automatisé fait que s'il y a une urgence, ça aide, ouais. Votre patron peut vous aider un petit peu plus rapidement. Bref. Ensuite, on empêche la confiance de devenir quelque chose qui va augmenter trop votre ego, va vous donner une tête enflée en écoutant ceux qui sont à l'extérieur de votre groupe. On sait que la confiance, c'est une chose qui est bonne à avoir si on n'a pas ça trop à l'excès, hein? Mm-hmm. Mais ça peut devenir un petit peu trop gros si vous ne faites pas attention. C'est le site de Business Strategy Plus Business qui nous explique que lorsque tu as plusieurs personnes dans ton groupe qui répètent et qui t'encouragent des yes men, si on veut, qui disent « Ah oui, bonne idée, boss, très bonne idée, boss », ça pourrait être tentant de laisser tomber la critique qui vient de l'extérieur du groupe. Par contre, si votre groupe est trop isolé, et que tout le monde renforce ces idées-là, ben ça va pas vous faire avancer. L'antidote, c'est donc d'utiliser les gens qui sont à l'extérieur pour vous vous aider à revenir sur terre un petit peu. Il faut pas complètement éliminer la critique de sa vie. C'est une mauvaise façon de s'améliorer. Tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est une bonne idée. Ensuite, on combat les douleurs aux poignets avec quelques étirements qu'on peut faire au bureau. Tu sais, dans les années 2000 et 2010, là, mm-hmm. Il y a beaucoup de tunnels carpiens, le syndrome du tunnel carpien, dans les poignets, parce que les gens utilisent leur souris toute la journée. Oui. Donc, si vous passez beaucoup de temps à l'ordinateur, vous savez déjà que vous pouvez avoir mal aux mains après quelques heures de travail, mais il y a des étirements faciles à faire. C'est une routine, donc, qui est focus sur le fait d'ouvrir les... pas d'ouvrir les poignets. On comprend ça. On s'ouvrira pas le poignet, mais on va ouvrir les tendons du poignet. On va étirer les muscles d'une façon différente que lorsque vous utilisez votre souris. Il y a une routine de 10 minutes qui est dans une vidéo sur assemblagerequis.com, mais quand même, donc les exercices pour commencer, de mettre vos mains devant vous avec vos doigts bien écartillés et les fermer en poing sans trop serrer et les rouvrir. On va répéter ça 5 fois, de faire aller ses doigts, les écartiller et ramener ça en poing, mais sans trop serrer. On commence avec les mains ouvertes et ensuite on fait tourner les pouces en petits cercles. Oh, on okay. fait 5 cercles dans chaque direction. Simple. On rapproche les mains ensemble devant le cœur en position de prière avec les paumes et les doigts plats les uns contre les autres et on appuie sur les mains ensemble pour étirer les poignets. On tient entre 5 et 10 secondes. Comme assez simple à comprendre aussi. Et croisez vos doigts, donc faites comme quand vous mettez les doigts entre les autres et vous avancez vos bras devant vous et ensuite vous les montez par-dessus votre tête et les paumes devraient faire face au plafond et on tient ça pendant 10 secondes. Routine assez simple, même moi juste en lisant l'article là, j'ai réussi à les refaire, fait que c'était pas trop compliqué. Hein? Donc un exercice pour ne pas avoir mal au poignet quand vous avez la souris entre les mains tout le temps. Ensuite, on cherche des cadeaux pour donner à des personnes qui vous accueillent dans leur maison, par exemple pour un party des fêtes. On devrait leur donner des cadeaux qui vont au-delà de l'événement. Bon. Lorsque tu te fais inviter à un party, des fois, ça peut être poli d'amener un cadeau à la personne qui t'accueille, à ton hôte. Et si tu sais pas quoi acheter, ben il y a un petit guide pour être l'invité parfait. Hein, des cadeaux comme des nourritures et des bouteilles de vin, c'est très bien, mais des fois, ça peut manquer de sentiment et ça peut avoir l'air de « bon, j'ai acheté ça parce que j'étais un petit peu obligé de l'acheter » ou encore « je l'ai acheté parce que je voulais que tu m'en fasses goûter hein? ». Oui, genre. En effet. Ouais. Donc, Joy Cho, chez Apartment Therapy, nous dit qu'on devrait leur donner quelque chose d'utile. Hein? Okay. Donc quelque chose qui va aller au-delà de cette soirée-là. Par exemple, un bon on dit ici un très bon sel. Ah, okay. Un très bon sel. Une plante dans un joli pot, hein? Ou un vase rempli de fleurs locales. Qui va aller au-delà du... t'as pas l'air certaine. Non, vraiment pas. Non, hein, c'est t'as même eu du vin, toi. Hein. Ouais, quand même. Ça. Donc, quelque chose que l'autre pourrait aimer en tant que tel, même si c'est juste quelque chose comme une fleur, ça, on n'est pas obligé de dépenser une fortune là-dessus, dit cet article. Ensuite, on nous suggère la technique du SBNRR pour gérer les moments stressants. OK. SBNRR. Lorsque vous avez beaucoup de stress et que vous devenez exaspéré, les émotions peuvent passer par-dessus tout le reste et ça peut nuire un peu dans un environnement, entre autres, professionnel. Donc, la prochaine fois que vous allez passer proche d'exploser de stress, vous devriez utiliser le conseil qui nous vient du Search Inside Yourself Leadership Institute. C'est un programme développé par Google pour l'utilisation interne, mais c'est maintenant offert au public. Et donc, la prochaine fois que vous vous sentez surpassé par des événements, on vous suggère de pratiquer le Siberian North Railroad, donc SBNRR. Qu'est-ce que c'est? Stop, pour commencer, c'est l'étape la plus importante. À la place de vous faire dépasser par les émotions ou de prendre une décision trop rapide, vous devriez arrêter et prendre un petit moment. Donc, stop. Ensuite, le B, c'est pour breathe. C'est comme d'en respirer. Prendre une grande inspiration, expiration. Ça va aider à vider ta tête et aussi, ça va t'aider physiologiquement à calmer ton cerveau. OK. Ensuite, le N, c'est pour notice. Donc, remarquer que vous êtes en train de vivre un moment. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Quelles émotions vivez-vous? Est-ce que c'est des émotions qui restent comme ça ou est-ce qu'elles changent? Est-ce que l'émotion a l'air un petit peu trop grosse versus le déclencheur? Donc, ce qui a déclenché ça, est-ce que ça mérite ce genre de, d'émotion-là? Ensuite, le R pour reflect, comme dans y penser, réfléchir. Qu'est-ce qui cause l'émotion? Est-ce que c'est la bonne réponse que vous vivez? Est-ce que ça fait partie du fait que vous vous sentez attaqué, vous vous sentez menacé, vous vous sentez peut-être minimisé? Il y a une histoire derrière ce que vous vivez. Et finalement, le dernier R, c'est pour respond, donc comme répondre. Et vous devrez penser à toutes les actions que vous pourriez prendre. Par exemple, considérer la façon la plus gentille, la plus remplie de compassion qui pourrait vous aider à passer à travers la situation, même si ce n'est pas la décision que vous prenez au final. Et finalement, vous prenez une décision consciente, voilà, pour bien répondre. Donc, arrêter, respirer, remarquer, réfléchir et répondre. On pourrait dire... S-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Ouais, d'un autre côté. C'est ça. En français, ça serait ça. Un petit peu moins facile de s'en rappeler, là. Donc, S-B-N-R-R. C'est Robert Chandler, un instructeur, qui explique ça à Business Insider, que plus vous pratiquez ça, plus vous allez être efficace pour gérer les émotions. Ensuite, 4 conseils de la part d'ex-voleurs pour protéger vos, ce qui vous appartient, vos possessions. Personne ne sait plus comment... éviter les voleurs que les voleurs, hein? Donc, c'est des voleurs. Probablement. Ouais, ouais. C'est Carl Eboshi, journaliste d'enquête chez KGW News à Portland, en Oregon, qui a demandé à 86 prisonniers, oui, qui sont présentement en prison pour vol, après être entrés dans une maison, donc, et ils nous disent comment on peut éviter les voleurs. 4 choses importantes, c'est de garder votre propriété pour commencer visible avec un très bon éclairage, les buissons, les arbres bien coupés pour montrer vraiment que c'était pas, mettons, tu vas être un voleur, tu vas pas être caché par les arbres, ouais, par les c'est buissons. Numéro 2, toujours laisser la télé ou la radio ouverte quand vous allumez, quand vous quittez, ou au moins garder une lumière allumée. C'est la façon la plus mentionnée par les voleurs. Si vous laissez au moins une lumière ouverte, ils vont penser qu'il y a quelqu'un à la maison très fort. J'aime ouais, ça. Ouais. Numéro 3. Toujours avoir évidemment pour ceux qui ont plusieurs voitures, une voiture visible dans le stationnement si c'est possible. Presque tous les ex-voleurs disaient que voir une voiture dans le stationnement les gardait loin de cette maison-là. Numéro 4, apprendre à connaître ses voisins pour qu'ils puissent dire s'il y a des activités louches qui se passent dans le quartier. Parmi les autres trucs, il y aurait d'avoir un chien. Acheter un gros chien pour un petit chien. Poster une pancarte de système de sécurité, même si vous n'avez pas de système d'alarme, mettre un collant si vous avez un contact dans une entreprise d'alarme, un petit collant alarme whatever sur la fenêtre, ça fonctionne. Et évidemment, avoir une caméra de sécurité visible. Bonne idée. Bon conseil, j'aime ça. Bon conseil. Ensuite, libérez instantanément de la place sur votre iPhone en téléchargeant et ensuite en effaçant une très grosse application. Oh, OK. Un petit truc qui a été découvert sur iOS, quand vous essayez de télécharger un gros film, iOS vide la mémoire temporaire pour faire de la place. Ça fonctionne plus dans iOS 10, mais on a remarqué récemment sur lifehacker.com que quelque chose de similaire arrive quand tu télécharges une très grosse application. Donc, si tu manques d'espace sur ton téléphone, il y a une bonne chance que ce soit parce qu'il y a des applications qui gardent des affaires en cache. Par contre, le problème, c'est qu'iOS te permet pas de vider le cache. Te permet pas de le vider, juste le cache. Donc, dans le cas de l'article sur lifehacker.com, il y avait plusieurs applications qui gaspillaient des 1 gig à la fois chaque. Donc, c'est très problématique quand tu as un téléphone de 16 gigs. Et quand on essaie de télécharger une grosse application, iOS va faire tout ce qu'il peut pour libérer de la place, dont, entre autres, vider les données inutiles de ces applications-là. Là, et ramener ça à leur grandeur d'origine, leur taille d'origine. Donc, quand vous manquez d'espace, vous devriez essayer de télécharger une grosse application, comme, mettons, Angry Birds. Là. C'est énorme, ouais. Tout ça. Ou Hearthstone, parce que ça fait 1,89 GB et que c'est gratuit. Mais n'importe quelle application énorme fonctionnerait. Et quand tu télécharges, tu vas dans paramètres général... Dans Storage and iCloud Usage, là, ça c'est l'utilisation du disque et de iCloud, et là tu vas voir que chaque application va rapetisser à côté en perdant ses fichiers de cache, et éventuellement vous allez avoir beaucoup plus de place. Dans l'article, on est passé de 700 MB disponible à 2,29 GB. Voilà. Ça arrive. Et aussi, si vous utilisez iCloud Photo Library, cliquez sur Optimize Storage, et puis ça va commencer à enlever les photos de votre appareil et seulement les avoir dans le nuage. Évidemment, moi, j'ai conseillé à tout le monde que je connais qui avait des problèmes de place sur leur iPhone de se payer un iCloud à 1,29, je pense, par mois, qui vous donne comme je sais pas combien de gigs de plus. Là. Ça vaut vraiment la peine pour ne pas avoir vos photos sur votre téléphone. Bonne idée. Ensuite, on vous suggère de transporter vos plats chauds dans votre valise avec une boîte, avec une serviette dedans. Hein? Donc, si vous partez pour un potluck, mettons, pendant les fêtes, vous avez un petit souper potluck où tout le monde amène son propre plat, là. Bon, donc, c'est une méthode de transport sans dégâts qui va garder votre plat bien chaud et sans dégâts. Donc, évidemment, tu pourrais avoir quelqu'un dans la voiture pour t'aider à tenir le plat tout le long. Mm-hmm. Ce serait peut-être pas aussi évident. Donc, Sheila Prakash chez The Kitchen nous suggère une meilleure alternative. C'est de prendre une boîte de carton, remplir ça de serviettes de bain très épaisses et mettre ton plat à l'intérieur. La nourriture va rester bien chaude et va tenir avec la serviette et ça va être presque impossible de renverser quelque chose. Et s'il y a des dégâts, bien sûr, ça va être contenu dans la serviette. Intéressant. Ensuite, pour Android, c'est rare que je parle d'Android, mais une fois de temps en temps, je tombe sur quelque chose d'intéressant, je sais. J'essaie vraiment de changer ça et de vous proposer une fois de temps en temps des trucs Android. Donc, ça s'appelle Volume Scheduler, qui va changer le volume de votre téléphone dépendamment de l'heure de la journée. OK. Si vous êtes dans un endroit silencieux, que vous recevez un téléphone, et ça peut être dérangeant, Volume Scheduler est une application gratuite qui vous aide lorsque vous avez oublié de mettre votre téléphone à vibration. Donc, l'application ajuste votre niveau de sonnerie basé sur l'heure de la journée ou le jour de la semaine. Tu vas simplement choisir les heures et les jours dans l'application et décider le volume que tu veux que ta sonnerie soit. Hein? Tu peux aussi choisir si ton téléphone va être silencieux ou le faire vibrer. Donc, c'est une application utile pour les réunions, les rendez-vous, ou quand tu veux entendre ton téléphone sonner, mais pas aussi fort quand c'est le jour, par exemple, et que tu sais que tu vas être au bureau. C'est seulement sur Android. Il y a aussi Auto Silent, une option similaire pour les utilisateurs de iPhone. Ah, donc, ouais. Volume Scheduler. On aime ça. Je vais y aller avec un dernier, tiens. C'est la différence entre, je me suis toujours demandé, entre Splenda, Sweet and Low, oui. Equal. Moi aussi, je me suis déjà posé cette question-là. Donc, aux États-Unis, la Food and Drug Administration considère 8 sortes d'édulcorants qui sont sécuritaires, donc qu'on peut manger. Et on va peut-être en reconnaître par leur nom de marque, comme la sucralose, qui est le Splenda, la saccharine, qui est le Sweet and Low, l'aspartame, qui est le Equal, et le Stevia, qu'on appelle aussi des fois Truvia par son nom de marque. Et chacun a différents degrés de sucre, ou de sucré, de sucraison, comme on appelle. Donc, c'est populaire parmi les gens qui font du diabète, parce qu'on ne va pas se rendre pour avoir un trop gros pic de sucre, comme on dit. Contrairement au sucre de table, qui a environ 16 calories par cuillerée à table, le Splenda, le Sweet and Low, le Equal et le Stevia... ont presque aucune calorie ou sinon aucune. Donc le Splenda, la sucralose, et là, je vais dire des affaires qui ont l'air intelligentes, puis après ça, je vais me faire corriger par notre prochaine chroniqueuse qui est pas mal plus intelligente que moi dans ces trucs-là. Donc, la sucralose, qui est pas défaite par le corps, donc ça a zéro calorie, c'est environ 600 fois plus sucré que du sucre de table, et ça peut être utilisé dans n'importe quoi. Étant donné que ça ne perd pas son degré de sucre, de sucré, quand tu appliques de la chaleur, tu peux l'utiliser dans du Splenda, dans de la nourriture chaude et dans les trucs que tu fais comme cuisine. OK. OK, ça, c'est la sucralose. Ensuite, le Sweet and Low, qui est un des édulcorants artificiels, les premiers qui ont été disponibles sur le marché. C'est utilisé dans la nourriture, la médecine, même dans la pâte à dents. La saccharine, donc, c'est 200 à 700 fois plus sucré que le sucre. Ça n'a aucune calorie, ça peut aussi être utilisé dans la cuisson. Bon. Ah bon? Ensuite, le Equal, qui est l'aspartame, qu'on retrouve dans les boissons gazeuses, entre autres, dans la gomme à mâcher, les puddings et d'autres collations sans sucre. C'est 200 fois plus sucré que le sucre, mais ça a un petit peu de calories. On dit 2 calories environ par petit sachet. Et ça perd aussi son degré de sucraison lorsque c'est sucré. Donc, c'est pas idéal pour faire à manger. Faut aussi dire des fois qu'il y a, par rapport aux portions, des fois ça va dire 0 calories par portion. Ouais. C'est que des calories, mais dans cette portion-là, c'est en bas d'un certain chiffre. Donc, ils peuvent marquer 0 calories par portion. Et finalement, le stevia. Le sucré, l'édulcorant du stevia vient des feuilles d'une plante qui s'appelle Stevia rebaudiana. On dit souvent un édulcorant naturel. Aux États-Unis, la plante n'est pas ajoutée directement à la nourriture. C'est un extrait chimique nommé rebaudiocide A, qui est environ 200 à 400 fois plus sucré que le sucre. Et Beth Swarecki sur lifehacker.com nous dit qu'un substitut de sucre, même si c'est 200 fois plus sucré que le sucre, ça veut dire que le manufacturier, la compagnie, utilise 1-2 centième de la portion nécessaire pour que ce soit aussi sucré que le sucre. Phew. Je suis là, my God. J'ai peur d'avoir dit rien de mensonger là-dedans, apparemment. Donc, non. On me dit que non. Tout va bien. À assemblagerequis.com pour les liens de cette chronique-là, c'est les instructions d'assemblage. On fait ça quand ça donne à assemblagerequis. Celle que j'ai mentionnée dans la chronique qui allait me corriger s'il y avait quelque chose de fautif, c'est Alassania Kouyi qui s'en vient dans quelques instants avec le bus magique. À assemblagerequis, restez là. Aujourd'hui. Mmh. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours Rassemblage Rocky en ce lundi 28 novembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Maintenant, elle est de retour après une semaine d'absence, mais c'est comme ça, elle est rendue aux deux semaines. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, c'est Alassania Kui qui voici avec le bus magique. Alors, Seigneur Couillet, bonjour à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. J'entends dire que tu avais un rhume, toi aussi, que tu t'es soigné par une par quelque chose qui va au-delà des médicaments. Mais elle est infirmière. En tant que voilà. C'est ce qu'elle fait. Hein? Tu parles du sommeil. Ben oui, c'est ça. Oui, le ça, sommeil, c'est bien ça sûr. C'est absolument ça. Moi je aussi. Je buvais 10 litres d'eau par jour. Wow, elle est aux toilettes en permanence. On lui a mis son nom sur la porte. À toi, ça coûte de te Moi aussi, j'ai beaucoup dormi. J'avais un rhume aussi. En fait, je crois que je l'ai encore. Je me mouche encore énormément. Donc, on va prendre soin de nous, comme tu l'as dit dans la chronique sur le rhume il y a deux semaines. Exactement. Ouais. Beaucoup de repos, beaucoup d'eau, la vitamine C. Exactement. Le soleil. Voilà. Oui. Donc, de quoi est-ce qu'on parle cette semaine à la Seigneur? On parle de ciseaux. De ciseaux? Ciseaux, oui. En fait, on parle de ciseaux génétiques. OK. C'est là, pardon. Je savais pas que c'est une chronique sur la sexualité. Je sais pas si vous l'avez suivi, mais pas la semaine passée, la semaine d'avant. Plus exactement, la semaine du 16 novembre, il y avait un peu partout des publications sur un ciseau génétique qui est le CRISPR-Cas. Que oui. Il y avait un patient qui avait été auquel on avait injecté des gènes modifiés par CRISPR-Cas. Puis il y en avait partout dans le Scientist, dans Radio-Canada, Le Devoir, etc. Puis j'ai jugé utile de démystifier un peu c'est quoi ces ciseaux-là et puis qu'est-ce que ça fait. Ouais, et CRISPR, c'est C-R-I-S-P-R, c'est pas les petites croustilles. Non, c'est vraiment... le nom est très, très long, très compliqué, puis on veut juste de l'appeler CRISPR oui, pour nous autres. Ça. Mais tout d'abord, c'est quoi ADN? C'est quoi un gène? C'est quoi un chromosome? On entend ça, mais c'est quoi la différence entre ces trois mots-là? Comme j'avais dit dans une chronique, le corps humain est fait de milliards de cellules, puis toutes les cellules contiennent un noyau, et dans chaque noyau de chaque cellule, il y a la même information génétique qui est compactée dans l'ADN. Tout ce que les cellules font, c'est en réponse à une commande par le noyau, par l'ADN. C'est l'ADN qui dit à la cellule quoi faire, quand le faire et comment le faire. C'est une germaine. Pardon? C'est une germaine à Jacques Yaman. C'est le big boss. Oui. Mais c'est pas tout l'ADN qui dit qu'est-ce qu'il faut faire à la fois. Ce sont les gènes qui disent qu'est-ce qu'il faut faire. Puis chaque gène, il a une fonction et une spécificité. Si on veut faire un parallèle, une métaphore, par exemple... Lorsqu'on clique sur le portail étudiant, okay. Oui. On clique, puis ça nous emmène vers l'accueil ou lentement mais sûrement. Ça nous lentement amène mais sûrement l'accueil, oui. Vers l'accueil ou vers notre portail de cours, etc. Ouais. Donc le fait de cliquer sur le portail étudiant, ça c'est comme le stimulus externe de la cellule. Le fait que ça nous ramène vers la page d'accueil, ça, c'est la commande effectuée de la cellule. Okay. Donc, ce qui dit à l'ordinateur, OK, maintenant, quand on clique, il faut aller vers la page, ça, c'est le gène. C'est lui qui donne la commande. Et tout le programme informatique qui supporte la page, ça, c'est l'ADN. Ah! Donc, l'ADN, c'est tout simplement le support physique de l'information nécessaire aux cellules d'effectuer leurs tâches, qui est, elle, codée dans de plus petites unités qui s'appellent les gènes. Okay. Maintenant, c'est quoi un chromosome? Vous savez, l'ADN, c'est un code, en fait. Si on veut l'écrire, ça remplirait 1000 livres de 1000 pages chacun. C'est très gros, c'est très long. Donc, pour que ça tienne dans un noyau qui est de l'ordre de quelques microns, il faut que ce soit compacté. Donc, l'ADN se compacte et se compacte et se recompacte sur lui-même pour former des minuscules unités qu'on appelle les chromosomes. Donc, pour récapituler, Notre information qui est nécessaire aux cellules pour effectuer leurs tâches s'appelle les gènes. Les gènes sont supportés par l'ADN qui est, lui, compacté dans des unités qu'on appelle chromosomes et le tout est bien gardé dans le noyau, qui est vraiment inaccessible au milieu externe du noyau, qui est l'intérieur de la cellule. OK. Dans une autre démarche, si on voit par exemple l'ADN comme un collier de perles, puis les gènes sont les perles, s'il y a une tache, une petite tache sur une des perles, fait que tout le collier n'a plus la même apparence. Mm-hmm. Mais c'est exactement la même chose. S'il y a un gène qui est défaillant ou une partie du gène qui est défaillante ou juste une petite information, une molécule qui n'est pas dans la même, qui n'est pas dans sa place, ça, ça fait que le gène ne peut pas accomplir sa fonction. Et par la suite, il ne peut pas donner la bonne commande ou la commande adéquate à la cellule, ce qui nous mène aux maladies génétiques. Mmh. Donc, les maladies génétiques, ou encore appelées dans la littérature scientifique les maladies géniques, ce sont des maladies où il y a un gène ou une fonction liée à ce gène ou à un groupe de gènes qui est affecté. Des fois, ça peut passer inaperçu, ça peut ne pas être vraiment grave, mais des fois, c'est vraiment très dangereux et ça met en péril la vie de la personne. Il y a beaucoup de maladies géniques où l'âge adulte n'est pas atteint. Et au total, il y en a vers 6000 maladies géniques différentes. Okay. On s'entend que pour ces maladies-là, les médicaments, ce n'est pas une solution. Parce que le problème, ce n'est pas... par exemple, ce n'est pas la fonction de la cellule. Admettons que quelqu'un qui tousse, le problème, ce n'est pas la toux. Le problème, c'est le gène qui fait la personne toucher souvent. Donc, si on veut réparer la maladie, on ne peut pas s'attaquer au symptôme qui est la manifestation externe du dysfonctionnement, mais il faut s'attaquer au gène. Il faut le réparer, le corriger ou quand on dit le corriger, on parle du fait de le remplacer par un gène qui est fonctionnel ou une partie du gène qui est fonctionnel. Ça se fait, ça. Théoriquement, il n'y a rien qui est plus simple que ça. Parce que si on prend l'ADN comme une grande molécule ou un grand ruban, il suffit de couper la partie qui ne fonctionne pas bien. Surtout que maintenant, avec on a pu faire la cartographie complète et générale du génome humain. Donc, on peut savoir c'est quoi la partie qui ne fonctionne pas. Donc, théoriquement, on peut dire, OK, on a juste à aller couper la partie qui fonctionne mal ou qui ne fonctionne pas. Un petit scotch tape, là. Et la remplacer par une partie, par un gène modifié ou un gène réparé. Et ça, le tout est joué. Mais... Donc, théoriquement, ouais, ça peut être ça. Mais, il y a beaucoup de difficultés. Premièrement, pour couper l'ADN, on ne peut pas le couper n'importe quand, n'importe comment, ou n'importe où, parce que si on le coupe, on risque de couper avec une partie qui fonctionne, ou une partie qu'on n'est pas capable de réparer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il n'y a rien qui garantit que lorsque tu vas couper, puis tu donnes le morceau qui est corrigé, le recollage va être fait rapidement ou va être fait au bon endroit. Ouais. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches. C'est un large domaine de recherche. C'est un domaine où il y a de bonnes journées et de mauvaises années parce que il faut être le plus précis possible. Puis, juste à donner quelques exemples de maladies géniques, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur français Grégory Lemarchal. Non. C'est un chanteur français qui avait gagné dans la première ou deuxième édition de... comment on appelle la compétition? Star Academy française. Ouais. Puis il avait une super belle voix. C'était vraiment un chanteur extraordinaire. Mais il avait la mucoviscidose, qui est une maladie génique. OK, mucoviscidose. Oui, ça la mucoviscidose. Tu n'as pas avec la morve, ça? Tu t'en veux morver, toi, ça? Non? Il y a de ça. Il y a ça? Il y a de ça. Parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui atteint le système respiratoire et le système digestif parce que, justement, il y a un gène défaillant. Heureusement, cette maladie et beaucoup, la plupart des autres maladies, on appelle ça des maladies récessives. C'est-à-dire, c'est une maladie où il y a un gène qui est défaillant, mais il faut avoir deux copies défaillantes du gène pour avoir la maladie. Okay. Vous savez, nous, on a 46 chromosomes. Ouais. On a 23 qui viennent de notre père et 23 qui viennent de la mère. Les 22 de 22 pères sont exactement identiques. Ils ont les mêmes gènes, ils codent pour les mêmes choses, mais il y en a juste une qui entre en action. Si elle est défaillante, il y a l'autre père qui peut prendre la relève. C'est comme un spare, un backup. Exactement, oui. C'est un backup. Sauf pour les chromosomes sexuels X et Y qui, eux, déterminent le sexe du bébé. Donc, on a toujours un backup. Fait que si le père a le gène dysfonctionnel, c'est pas grave si la mère a le bon gène. Donc, le bébé, il n'aura pas de maladie. Mais si les deux ont le gène dysfonctionnel, les enfants ont une chance sur quatre de tomber malade. Ah. Fait que Grégory Lemarchal, lui, il est tombé sur le un quart des chances, puis il a eu la maladie. Ouais. Et avec le progrès scientifique, il a quand même pu atteindre l'âge de 23-24 ans. Mais il a décédé. Mais c'était déjà un exploit parce qu'avant, l'âge adulte était très, très, très rarement atteint. Et encore là, c'est vraiment un traitement draconique. C'est des traitements à chaque jour. Et c'est vraiment un mode de vie très pénible et pour le patient et pour les parents. C'est pour ça que maintenant, les recherches s'en vont plus vers la thérapie génique, qui est la réparation des gènes défaillants, plutôt que juste soigner les symptômes et permettre aux malades d'avoir une vie le plus normale possible. Comme j'avais dit, pour soigner le gène, on imagine qu'il faut couper l'ADN puis introduire le gène corrigé et le tour est fait. Mais comme j'avais dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de précision dans l'endroit de coupure et c'est exactement ce que CRISPR-Cas est venu faire. C'est une technologie très, très séduisante parce qu'il permet un contrôle supérieur à ce que les autres outils utilisés dans le génie génétique permettaient. Donc, qui permet de couper avec précision l'endroit où on veut couper. Et pas seulement ça, dans tous les autres outils, il faut modifier l'outil à chaque fois qu'on veut viser une certaine partie de l'ADN. Donc, à chaque fois, il fallait faire des recherches. C'est aussi la course au brevet. À chaque fois, il fallait trouver un moyen pour cibler plus le gène qu'on veut corriger, mais avec CRISPR-Cas 9, c'est possible d'introduire une autre partie d'ARN c'est comme un modulateur. Il suffit juste de changer cette petite partie pour l'utiliser comme on veut. Donc, on n'a pas besoin de chaque fois bricoler, mais pas dans le sens péjoratif, l'outil pour qu'il atteigne sa cible. On change juste comme une fonction. C'est comme un site Internet où, si tu veux, tu as le contrôle sur ton site Internet. Mmh. Au lieu de, à chaque fois, de faire appel au fournisseur pour qu'il change la configuration ou de quoi, tu peux juste ajouter une fenêtre, ajouter une rubrique ou une sur-rubrique toi-même et le tour est joué. C'est vraiment comme ça. Ça permet une grande flexibilité. Et au mois de novembre, il y a eu le premier patient qui a été corrigé, dont le gène a été corrigé par CRISPR-Cas. On attend toujours de voir les résultats, mais c'est très prometteur et CRISPR n'a pas encore livré tous ses secrets. Donc, ça va permettre de donner un grand coup de pouce à la recherche en matière de thérapie génique. Qu'est-ce qui a fait que, j'imagine, l'équipe qui a travaillé sur CRISPR-Cas a réussi à faire ça quand les autres n'avaient jamais réussi encore? CRISPR-Cas a été découvert par... mes mots m'échappent. A été découvert par coïncidence. Okay. Les chercheurs, ils travaillaient sur le fait de comprendre les défenses d'une bactérie attaquée par des virus. Vous savez, les virus n'attaquent pas juste l'être humain, ils attaquent aussi les bactéries. Et ils ont vu qu'il y avait une bactérie qui était capable d'aller couper comme des ciseaux le génome du virus. Okay. Comment un virus fonctionne? Ben, il entre dans la cellule, puis il injecte son propre ADN dans le noyau pour que ce soit notre cellule qui fait le travail pour lui, qui le réplique, parce que lui, il ne peut pas se répliquer lui-même. Donc, un virus, quand il voulait faire la même chose avec une bactérie, ils ont vu que la bactérie avait une enzyme qui coupait ce génome-là et qui se recollait elle-même. Fait que ça a permis de se défendre contre ce virus. Donc, Bien sûr, ça comporte aussi des pistes de recherche pour les défenses contre certains virus, puis contre le VIH, justement, pour rendre nos cellules plus résistantes à ce virus-là. Mais la plus grande surprise, c'était de voir qu'on pouvait extraire cette enzyme-là et en faire des ciseaux génétiques, en faire un outil qui est capable d'aller cibler une séquence particulière de l'ADN. Quand je dis séquence, ça peut être un gène ou un ensemble de gènes ou juste une partie. Une séquence, c'est un morceau d'ADN, si on veut. Donc, on pouvait aller fixer avec plus de précision les morceaux qu'on désire soigner. Mmh. J'ai une belle question pour toi, mais je ne veux pas t'amener sur des sujets que tu ne connais pas. Là. Non, c'est ça. Mais j'avais en tête, mettons, quelqu'un qui a la Tourette. Mm-hmm. Mettons, comment est-ce que ça s'est passé? J'aimerais savoir ça. Un jour. La Tourette? Ouais. C'est quoi? Le truc que tu te mets à dire n'importe quoi n'importe quand. Que tu mets que sur? Que tu te mets à dire n'importe quoi n'importe quand. Oh, ça n'a pas de rapport avec... avec la génétique? Non, ça n'a pas de rapport avec la génétique. Un jour, parle-nous de ça, ça serait le fun. Je sais pas si c'est... Je vais googler la ouais, chose. Ouais, google ça. Sais. On va dire n'importe quoi en once et on dit quelque chose dessus. Merci à la Sanya. Ça me fait plaisir. Sont toujours très intéressants. Merci beaucoup. Puis j'avoue que c'était un sujet un peu challengeant parce qu'il y a beaucoup de... C'est lourd. Il y a beaucoup de technicité dans le sujet. Fait que j'espère que j'ai réussi à pouvoir amener un peu le sujet à tout le monde. Puis maintenant, quand vous voyez CRISPR-Cas, pour que vous voyez manipulation ouais. génétique, il ne faut pas avoir peur de dire non, on manipule les gènes. Non, du tout. On essaye de corriger des gènes qui sont défaillants. Absolument. On essaye d'aider. Et l'important, c'est de ne pas courir avec les ciseaux qui modifient ces gènes-là. Exactement. Sinon, on se trouve des bourrons. S'il y a une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est juste que toute l'éthique qui entoure la recherche de thérapie génique est vraiment, vraiment lourde. Fait qu'on ne fait pas juste n'importe quoi. Il y a vraiment beaucoup de recherches dans le niveau éthique qui sont faites. Il y a beaucoup oui. de... C'est ça, pour voir le pour et le contre. Est-ce que vraiment la maladie, elle nécessite des moyens draconiens comme la thérapie génique ou pas? Est-ce que c'est vraiment le dernier recours lorsqu'on voit qu'il n'y a aucun moyen pour soigner la maladie ou pour réparer la défaillance de la cellule? C'est là qu'on commence à penser thérapie génique. Ouais. Peut-être que si on te dit le syndrome de Gilles de la Tourette, tu vas plus savoir oui. qu'est-ce oui. que c'est. Voilà. C'est le prénom, hein, c'est ça, ouais. ça par rapport. C'est neurologique, Mathieu, ouais. apparemment. C'est causé par des changements dans certaines zones du cerveau qui seraient perturbées par des messages chimiques. Donc, par ouais. exemple, la dopamine, la sérotonine et la norépinéphrine. Mm-hmm. Puis, à un certain moment, on croyait beaucoup que c'était génétique, mais on se rend compte de plus en plus que ça serait pas nécessairement juste génétique parce que c'est pas, ça veut pas dire que l'enfant va l'avoir si les parents l'ont. Okay. Okay. Mais ça peut se transmettre de façon génétique aussi. Tu vois, on a appris des choses. On a même appris des choses à la Sanya. Voilà. Génial. Merci encore. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine. On écoute Cry avec sa pièce. Est-ce qu'on écoute Bones? Pourquoi pas? Bones à Assemblage Rock. avec Bones dans Assemblage Requis à Cifou 89 FM. Retour de la pause, c'est Tania qui va nous parler. Oh. Oui, avec Sport effiloché, et puis sa chronique Tania is gonna entertain ya, j'ai belle impression. Exactement. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou, Trois-Rivières. Vous êtes assez fou, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. On se l'a dit, 28 novembre 2016, c'est Nathalie Baudin. Et Mathieu Plante. Il fait beau aujourd'hui, c'est fun. Oui, c'est vrai. Beau petit soleil. Hey, tantôt, avant la chronique d'Alassania, on a parlé de sucre, on a parlé de stevia. Oui. Et elle nous a dit quelque chose de plus sur le stevia. Elle disait que c'était le plus récent des édulcorants à avoir été découvert. Et le meilleur pour la santé. Et le meilleur pour la santé parce que c'est fait partir d'une plante et non de sucre. Hein? Du moins jusqu'à présent. C'est ça. Et que ceux qui sont diabétiques ou pré-diabétiques devraient s'habituer à manger des choses sans sucre à la place de manger, même si du stevia. Oui. C'est mieux pour eux. Voilà. Tout à fait. Mais en tant que tel, si vous êtes pour manger du sucre, aussi bien manger du stevia. Oui. Puis il y a du stevia dans des yogourts, dans des boissons gazeuses, le nouveau Coca-Cola Life, c'est du stevia qu'il y a dedans. Ah ouais, je savais pas. C'est très bon. Oh. Très bon. Bref, voilà, c'est dit. Hein? C'est dit. Ben oui. Avant de passer à Tania Baudin, comme j'ai dit tantôt, avec sa chronique Sport et Filoché, puis Tania Sgala Entretenia, c'est le moment d'aller savoir ce qui se passe sur notre campus universitaire. Ooh. Voici maintenant l'Info Campus, présentée par le journal Zone Campus. Jusqu'au 8 décembre, le Bon Camarade et la GEUQTR organisent une collecte de denrées non périssables. Les denrées seront distribuées aux étudiants et des paniers seront placés partout dans l'université pour ramasser vos dons. Le 2 décembre se tiendra entre 17h et minuit le 58e Téléthon du Noël du Pauvre à la salle J. Antonio Thompson. Il est quand même déjà possible de contribuer à la cause. Pour donner de l'argent ou devenir bénévole, allez sur le site lenoeldupauvre.com. L'UQTR et les artisans bénévoles de la paix se réunissent pour la grande guignolée des médias. Durant toute la journée du 8 décembre, des bénévoles seront aux différentes entrées du campus. Une autre belle occasion de contribuer à une belle cause. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez écrire à l'adresse courriel lynne.sancartier@commercialuqtr.ca. Jusqu'au 13 décembre ont lieu les inscriptions pour UQTR en spectacle. Il s'agit d'un tremplin extraordinaire pour les étudiants de l'université qui ont un talent pour la scène. Pour s'inscrire, il faut passer par le kiosque K1B situé près de la cafétéria du pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Il est également possible de s'inscrire via la page Facebook d'UQTR en spectacle. La GEUQTR ouvre deux postes au sein de son conseil exécutif. Il s'agit des postes de vice-présidence aux finances et développement et celui de vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle. Les mandats se dérouleront entre le 11 décembre et le 30 avril. Des bourses compensatoires sont offertes. Votre curriculum vitae et une lettre de motivation sont exigées pour le dépôt de candidature. Vous pouvez soumettre la vôtre au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était l'Info Campus écrit par David Ferron, directeur en chef du journal Zone Campus, celui par Tania Baudin. Mm-hmm. C'était la deuxième diffusion, en fait, parce qu'on diffuse deux fois par jour à Assemblage Requis. Une fois juste avant l'émission, vers les 6h30, ensuite vers les 8h30, 9h. Sinon, c'est aussi à midi et à 18h sur nos ondes. Il y a une nouvelle capsule tous les lundis, comme dans LOL, aujourd'hui. Hein. Voilà, on est renseigné sur le campus. Maintenant, c'est le moment de savoir ce qui se passe en sport. On passe à Tania et son bloc sport effiloché. Freestyle sur la chanson. On l'a dit il y a quelques temps, il y a certains des Patriotes qui ont raflé les honneurs individuels dans certains certains galas, il y en a aussi qui sont en nomination. Donc, le programme d'excellence des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières a été fier de dévoiler ses étoiles et ses honneurs individuels en soccer universitaire masculin un petit peu plus tôt cette année. Donc, en plus du deuxième rang au classement général avec 6 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls, la troupe de l'entraîneur Roch Goyette a reçu 2 titres majeurs et 5 nominations au niveau des équipes d'étoiles du RSEQ, ce qui est le réseau du sport étudiant au Québec. Entre autres, le Patriote Louis-Thomas Fortier a été choisi joueur par excellence de l'année. C'est le capitaine de l'équipe et aussi un défenseur qui est vraiment une clé à l'équipe. Il est toujours là au bon moment. Donc, le capitaine assure la cohésion défensive du groupe et permet de présenter une fiche de 9 buts encaissés en 10 matchs. Son attitude est exemplaire sur le terrain et hors terrain. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances pour le gala RSEQ de fin d'année. Le milieu de terrain, Yanis Zaraï, a été nommé recrue de l'année. Tout un joueur à avoir dans les prochaines années pour les Patriotes de l'UQTR. Il est arrivé cette année. C'est le fameux Roch Abel Zaraï. Oui, c'est ça. Assez impressionnant sur le terrain. Un jeu de passe exceptionnel et un contrôle de la balle aussi assez remarquable. Donc, il a marqué 3 buts et a reçu 3 reprises le titre de joueur par excellence du match et joueur par excellence de la semaine au Québec. Il a été meneur de jeu naturel et Yanis est un joueur très créatif qui peut changer à lui seul le rythme d'une rencontre et c'est totalement vrai. On l'a vu à quelques reprises lorsqu'il jouait par exemple ici à domicile, faire des revirements de situation que personne ne s'attendait. Il a été acclamé à quelques reprises par la foule. C'est vraiment un joueur qu'on a dans notre poche pour l'année prochaine. Je pense qu'il faut le garder près de nous et continuer justement à aller encourager nos Patriotes soccer. Ouais. Donc la première équipe d'étoiles du réseau du sport universitaire, on retrouve à 4 reprises l'UQTR, donc l'arrière Louis-Thomas Fortier, le milieu de terrain Bilal Xier, Yanis Zoraï et le milieu de terrain Guillaume Comtois-Noël. Et on retrouve aussi un joueur de l'équipe de l'UQTR sur la 2e équipe d'étoiles. Donc, félicitations à tous les joueurs qui se sont vus remettre un honneur individuel, mais aussi 5 nominations au niveau d'équipe d'étoiles au RSEQ. C'est une très belle chose. Félicitations. Du côté du hockey, je l'ai dit tout à l'heure, ça l'a pas bougé beaucoup en fin de semaine du côté des équipes universitaires. Entre autres, dimanche, on a eu... je suis en train de perdre mes peines, mais bon. Vendredi, on a eu une victoire 4-2 face au Paladin Athletic RMC. 4 buts ont été marqués par Morin, Asselin et 2 fois Lefebvre. Donc, félicitations. Dimanche, on a décidé de... on n'a pas vraiment décidé, mais on était sur la route. Donc, ça s'est passé face aux Ravens de Carlton et on a eu une autre victoire. Donc, 2 victoires pour l'équipe des Patriotes cette fin de semaine. Victoire de 3-1 face aux Ravens de Carlton sur la route. Nos Patriotes devraient revenir cette semaine. Regardez la page Facebook pour avoir tous les détails, mais ça devrait être ici prochainement. Les Patriotes de la semaine dernière, parce qu'on n'en avait pas discuté, donc je me suis dit pourquoi pas les faire vu que ça sort tout le temps quelques jours plus tard. Et qu'on n'a rien à dire de plus en sport. C'est ça. Exactement. Donc, les Patriotes de la semaine dernière ont été Hilary Tanguay-Morin au volleyball et Guillaume Asselin au hockey. La recrue Hilary Tanguay-Morin a réussi à enregistrer 30 points marquants en 7-7 au cours du 2e tournoi de volleyball Division 2 qui avait lieu au Caps de l'UQTR la semaine dernière. Donc, l'attaquante en puissance a grandement contribué aux 3 victoires sans concéder un set des Patriotes. On a gagné 6-0 et parmi les faits saillants de l'étudiante au baccalauréat en génie électrique, il faut noter l'impressionnante séquence de 14 services consécutifs qui ont permis en fait à l'équipe d'emporter la manche 25-5 face à l'UQAC. Wow! Beau petit match. C'est presque rien, ça. Exactement. Donc, on parle de positivisme, détermination et la qualité d'un jeu qui sème la confiance au sein de l'équipe. C'est ce qu'on veut. Alors, félicitations à elle pour être une des Patriotes de la semaine. Et enfin, une Hilary qui gagne. Oui, c'est ça, exactement. Et du côté de l'attaquant Guillaume Asselin, on a amassé 5 points, 3 buts, 2 aides la semaine dernière aussi, donc le week-end dernier, alors que les Patriots affrontaient deux excellentes formations de leur division, les Golden Gales de l'Université Queen's et les Ridgebacks de l'Université de l'Ontario. Donc vendredi soir, Guillaume a accumulé deux aides et marqué dans un filet désert pour sceller l'issue du match. Le lendemain, il a décidé de remettre ça avec deux autres buts. Donc le numéro 83 possède une impressionnante fiche de 14 points, 11 buts et 3 aides en 7 rencontres, ce qui le met encore une fois deuxième au rang des buteurs des sports universitaires de l'Ontario. L'année dernière, il était premier. Il va falloir regarder comment ça se passe du côté de cette année, mais jusqu'à présent, deuxième rang, ça se passe quand même assez bien pour lui. On parlait aussi des autres sports qui se sont déroulés durant la fin de semaine du côté local, donc à Trois-Rivières. Le Blizzard de Trois-Rivières a vu une victoire sur la route cette fin de semaine. Je pense que c'est une des rares, il faut la savourer. Face à Sorel-Tracy, victoire de 7-6 sur la route vendredi soir. Et dimanche, hier, grosse défaite, 6-3 face à Rivière-du-Loup, un match où ça l'a joué quand même très, très dur. On a même pu voir certains coups, des coups bas qui ont été donnés et qui étaient, selon certains, très, très inacceptables. On a eu deux expulsions face à ces fameux coups bas-là pour Trois-Rivières. Ça l'a joué très, très très très difficilement. En fait, ça s'est battu à plusieurs reprises. Les gars de Rivière-du-Loup sont des gars qui sont quand même assez solides. Les gars de Trois-Rivières n'ont pas nécessairement aimé se faire bardasser comme ça. On a répliqué, mais on a peut-être trop répliqué à certains moments, ce qui a fait en sorte qu'on s'est un petit peu tiré dans le pied dans cette défaite-là. Si on avait joué un petit peu plus avec notre tête à certains moments, peut-être qu'on aurait pu faire un match où ça aurait été un petit peu plus égal, en fin de troisième. Malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé, mais le prochain match va être vendredi au Colisée de Trois-Rivières. Si vous voulez toutes les informations, facile, allez sur la page Facebook du Blizzard de Trois-Rivières. Il y a eu tellement de coups bas que Fidel Castro est mort. Hé, hey, hein? Coups bas! Ouf! Ouais, je suis dans très bon. Mathieu, ton équipe favorite? Le question pour un champion doré! Ben oui, climatisation Cloutier. À deux mots. Ils ont gagné cette fin de semaine en prolongation face à la TUC. Donc, Régent Junior Giroux a joué les héros dans cette victoire-là du climatisation Cloutier 3 du Cap-de-la-Madeleine contre les loups de la TUC devant près de 750 spectateurs à l'aréna. Apparemment que c'était très, très bien. L'aréna était remplie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Les meneurs au classement menaient 5-3 grâce au but de Julien Gagné, Nicolas Lévesque, Guillaume Gélina et Derek Morissette. Par la suite, c'est Mathieu Bouliane, Marc Giroire, Michael Gagnon et Quentin Garcia qui ont marqué les filets des loups. Et c'est Marc-André Terrien qui a envoyé le match en prolongation avec moins de 2 minutes à jouer en troisième période. On s'est remonté les manches et les quatre gardiens ont vu de l'action dans ce match-là. Christian Lantin et Vincent Gervais ont reçu 36 tirs contre 31 vers Kevin Arbour et Charles-Étienne Martin. Donc, quatre combats ont eu lieu aussi en première période, ce qui impliquait les différents hommes forts des deux équipes. Apparemment que les spectateurs en ont eu pour leur argent. C'était un très beau match. Et si vous voulez encore une fois voir l'équipe en action, ça va se jouer cette fin de semaine du côté du Cap de la Madeleine, de l'Arena Jean-Guy Talpot au Cap de la Madeleine. Ils changeront pas jamais pour Trois-Rivières, raison? Avec la fusion? Non, je pense pas. Je comprends pas. La ville, elle existe plus. En tout cas, c'est ça. C'est ça. C'est tout? C'est tout du côté des sports. Mathieu, je le disais en début d'émission, il n'y a pas eu grand événement du côté des sports, mais bon. Pas nécessairement, non. Comme c'est ça. Pas nécessairement. C'est pas grave, mais merci beaucoup, Tania. Ça fait plaisir. Génial. On s'écoute une petite pièce du palmarès francophone avant de passer à ton autre chronique, Tania is gonna entertain ya. La bronze a gagné un prix pour son maxi Roi de nous au Gamic hier soir. Donc écoutons la pièce Roi de nous de la bronze tout de suite. À son âge requis, après ça, Tania is gonna entertain ya. Les bourgeons crament sur nous. Mon dragon, fume-moi trop. Que nous sommes la liberté, celle des rues qui redonne envie d'aimer. À Paris, affranchie, je suis la reine de La vie nous fait le rock, les tempêtes qui sourient. C'est la peur qui défroque, se fait harakiri. On reste encore juste un peu, j'ai mes tripes à t'offrir. Ma beauté à te léguer, j'ai mes cheveux à t'en foutre plein la face. Mes utopies à te verser dessus, ma peau des prochains jours à te faire sentir. Faisons de nous une limpide constance qui fluctue dans le spectre du beau. Donne-moi ton corps, je pleurerai dessus en rien. La bronze avec Roi de nous. La bronze qui a gagné l'EP, le maxi électro de l'année au Gamic hier soir pour l'EP Roi de nous. Drôle quand même, c'est pas ben, c'est un peu électro quand même un peu. Ouais. Un peu, mais pas trop. Attends. Un peu. J'ai essayé très très fort pendant toute la chanson de trouver les autres gagnants des Gamic d'hier soir. C'est pas encore sorti d'après moi parce que ni la page Facebook ni leur site officiel a les noms des gagnants, seulement les nominés. Donc on va suivre ça dans les prochaines heures. J'imagine que ça va sortir la liste. Ben j'espère. Parce que je n'étais pas à l'écoute hier. C'était le gala alternatif de la musique indépendante du Québec, numéro 11 au cabaret du Lion d'Or hier soir. Maintenant Tania, c'est encore à toi. Ben oui. Deux collègues de suite. Je sais. C'est Tania is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. She's gonna entertain. Tania Baudin. Oui. Oui, t'es encore en forme pour une deuxième chronique de suite. Bien certainement, ça va être une chronique quand même assez rapide. Ouais. Vu qu'on a fait Sport Réfléchi et que je me suis dit pourquoi pas faire un moitié-moitié de parler de ce qui s'est passé. C'est comme le Black Friday, 50% de rabais. Pareil, je vous ai donné des sports. Là, je vais vous donner un petit peu plus de communautaire. Tiens, j'ai goût de dire ça comme ça. Communautaire. Oui, parce que je me suis rendue vendredi soir du côté du secteur Sainte-Marguerite pour l'inauguration des nouveaux locaux de l'organisme Autisme Mauricie. Qu'est-ce qu'Autisme Mauricie? En fait, c'est une association régionale de la Mauricie, vous l'aurez deviné, qui regroupe des parents d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme et des personnes qui ont ce trouble-là. On peut y ajouter aussi les parents, la famille, les amis, les proches. Là, l'association a été fondée en 1988 par des parents qui voulaient justement faire naître des services spécialisés et Autisme Mauricie œuvre pour, entre autres, la promotion et la défense des droits des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et leur famille. Et depuis, sa mission s'est considérablement assez grandement élargie. Elle fait partie, en fait, de la Fédération québécoise de l'autisme, qui est un regroupement provincial d'organismes et qui ont tous en commun, bien évidemment, vous l'aurez deviné, les intérêts de la personne autiste, de sa famille et ses proches. Si jamais vous voulez aller visiter les nouveaux locaux ou tout simplement vous rendre ou avoir de l'information ou peu importe, eh bien, c'est maintenant situé au 2019 Avenue des Coopérants à Trois-Rivières. Dans le futur! 2019! Oui, ils dans sont le prêts futur. À l'avance! J'étais là dans le futur! Oui, exactement! Au 2019 Avenue des Coopérants dans le secteur Sainte-Marguerite. Pour ceux qui savent peut-être pas nécessairement où bien se situer, c'est près de l'école Qualitech dans le secteur Sainte-Marguerite, où c'est aussi l'ancien marché Behrmann's qu'il y avait dans le secteur Sainte-Marguerite. C'est dans ces nouveaux locaux-là. Ils ont fait un travail exceptionnel pour la reconstruction, la reconfiguration de ces locaux-là. Il faut le dire, c'était un marché, c'était une espèce de petite épicerie. Alors, lorsque vient le temps d'en faire un organisme qui va aider des gens, on doit faire certains travaux. Et il y a eu plusieurs compagnies qui se sont données donner le mot, en fait, pour être extrêmement généreux de leur temps et généreux aussi des matériaux. Ça le fait un excellent local. C'est très, très beau. Et je voulais mentionner aussi, j'ai perdu ma page, mais je voulais aussi mentionner que depuis quelques temps, la mission, comme je le disais, a quand même assez élargi beaucoup. On répond aux besoins beaucoup plus particuliers, en fait, des membres d'Autisme Mauricie. Maintenant, on propose entre autres un service d'accueil, un service d'écoute et d'orientation. On a un support d'intervention personnalisé aux gens qui vont venir au local. On a aussi des groupes d'entraide pour les parents, les parents qui vivent ça, mais aussi les adultes qui ont ce trouble de spectre de l'autisme-là. On a aussi des activités, on a aussi du support pour ces gens-là. On parle aussi d'un camp de jour pour les adolescents autistes de haut niveau, un club pour adultes, comme je le disais, des activités jeunesse le samedi. Donc, on a vraiment aménagé ce local-là aux besoins des gens qui y vont, mais aussi au développement des gens qui y vont, parce que lorsque j'ai fait le tour des nouveaux locaux, justement, je voyais comme une cuisine, puis tout ça, et on en est venu à discuter avec une des personnes qui est chargée du local, qui a des activités, justement, de développement, parce qu'on veut amener ces gens-là à pouvoir avoir des vies normales, à pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Alors, on leur montre à faire de la nourriture, à cuisiner, parce que pour certains, ça peut être pas une discipline, mais quelque chose qui peut être difficile. Donc, lorsqu'on leur apprend dans un encadrement comme ça, qui est sécuritaire, avec des gens qui sont motivés, c'est le fun à voir. Et comme je vous le disais aussi, les locaux sont top-notch. On n'aurait pas pu faire un plus beau travail. Et on a aussi fait, pendant l'inauguration, le dévoilement du nouveau logo d'Autisme Mauricie. Ça faisait quelques années qu'ils avaient le même. On a vraiment revampé tout ça en décidant de faire l'inauguration des nouveaux locaux, de mettre un nouveau logo, voilà, pour justement rassembler les gens, montrer l'essentiel de ce qu'est l'association d'Autisme Mauricie. Et c'était une très belle soirée. Magnifique, ça! Voilà. Superbe. C'est-tu celui qui est au coin à gauche? Là, oui, exactement. Ah, il y avait l'épicerie, là, c'est vrai. Oui. Ouais. Puis ce qui est bien c'est aussi... C'est sur Street View pour vous le montrer, tout oui, le monde. Exactement. Puis ce qui est bien aussi, c'est que devant ces locaux-là, il y a maintenant un parc. Avant, les locaux étaient au centre-ville. Devant le terminus d'autobus, donc c'était parfois assez difficile de pouvoir faire des activités à l'extérieur avec les gens qui côtoient les locaux. Mais là, cette fois, on a un parc directement devant les locaux. Ça va être exceptionnel pour les étés, pour pouvoir faire des activités avec les jeunes qui vont y être. Très belle place. Merci, Tania. Fait plaisir. Autisme Mauricie. Maintenant, on prend une petite pause et au retour, ce sera C'est un fait pour la dernière demi-heure de l'émission. Ouh. Jusqu'à C'est fou le sexe dans une demi-heure environ. Restez là. Assemblage d'équipe aujourd'hui. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky en ce lundi 28 novembre 2016. C'est Tania Bonnet. Et Mathieu Plante. Il reste une demi-heure avant C'est fou le sexe. T'as-tu hâte à l'émission, Mathieu? Ah, coussi coussa. Mais l'important, c'est que d'ici la prochaine demi-heure, ça va être du C'est un fait. Mais avant d'embarquer dans C'est un fait, parce que là, à un moment donné, pour apprendre, il faut se mettre un petit peu d'humeur à apprendre. Hein? Faut mentionner que David Ferron est arrivé tard, non? Ah oui, David Ferron. Qui, je sais pas, je pense qu'il se sent mal parce que je ris des fois de ce qu'il me dit. Je sais pas, il est juste venu nous dire qu'il était arrivé tard puis il s'excusait. C'est ça, mais nous on a rien dit. Exactement, hein? On t'aime aussi. Bisous David, bisous. On retrouvera une autre chronique plus tard cette semaine, j'imagine. On a tout le temps au moins une présence de David Ferron par ben semaine. Oui. Pas le choix. Mais donc, comme je disais, avant de passer à C'est un fait, voici Groenland et la pièce Times of Survival. Assemblage Rocky sur C'est fou 89 FM. Thank you.

des choses que je sais pas. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait qu'il a connu des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont toujours oui sur assemblagerequis.com. Commençons par un des premiers livres audio qui a été découvert. C'était au Canada. Ah ouais? Un enregistrement d'un des premiers livres audio a été découvert par un collectionneur du Canada, selon le Los Angeles Times. C'est un enregistrement de 1935, une version audio du novella, donc un roman Typhoon par Joseph Conrad. C'est donc le premier livre audio d'un long travail littéraire. Même si un enregistrement de la Bible et un des romans mystères de Agatha Christie qui avait déjà sorti avant ça. Hey, Agatha Christie. Agatha hein? Christie, pousse-le dans le café. Moi, chaque fois que j'ai lu un livre d'elle, là, ouais. J'ai pas aimé ça. Non? Est-ce non. que c'était. Tu suivais pas? C'était trop dramatique, trop à l'eau de rose? Qu'est-ce que... Non, non, c'est juste. Plate? Oui, c'est ça. Comment on l'appelle? Donc, Typhoon de Joseph Conrad, qui est sorti en 1902. On le voit sur la photo sur assemblagerequis.com en 1915. C'était dans la première vague de livres audio, qui était en fait pour les fans de littérature qui étaient aveugles et non pas pour les gens qui aiment écouter des livres sur la route. Aujourd'hui, c'est pas mal pour ça qu'on utilise les livres audio, entre autres audible.com, où on peut écouter en allant au travail une partie d'un livre. C'est pour ça que les gens utilisent ça, les livres audio. Bref, avant, c'était surtout pour les aveugles. Avant ça, les enregistrements audio de livres étaient limités à de courts textes comme de la poésie. Donc les 4 LP, donc les vinyles du livre, ont été découverts par un collectionneur canadien qui a contacté un professeur de la Queen Mary University à London. London, ouais, ça précise pas, c'est le London en Ontario. Non, je crois que c'est, non, c'est le Londres. Okay. C'est le vrai Londres, même si l'article parle de livre canadien. Mais bref. Donc, Matthew Rubery, son livre The Untold Story of the Talking Book venait tout juste de sortir. C'est un livre sur les livres audio. Donc, le Royal National Institute of Blind People au Royaume-Uni a commencé à offrir son service Talking Books en 1935. C'était un service pour les vétérans aveugles de la Première Guerre mondiale. L'institution produisait déjà des livres en braille. Ils ont même fait un magazine braille en 1871 qui est toujours publié aujourd'hui. Ils ont créé aussi un code braille arabe et un dictionnaire de contraction braille pendant les décennies qui ont suivi. L'organisation a maintenant une collection de livres numériques, mais c'est extrêmement rare de trouver un enregistrement vinyle datant de cette période. Intéressant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ensuite, la cascade publicitaire, oui, qui a convaincu les gens que les ascenseurs étaient sécuritaires. À moins d'être claustrophobe, entrer dans un ascenseur, c'est pas grand-chose. Tout le monde sait ce que c'est. On n'y pense pas vraiment, on fait juste monter dedans. Bon, plusieurs le font même plusieurs fois par jour. Mais avant 1854, les gens faisaient pas la file pour utiliser un ascenseur, même si c'était vraiment pratique, parce que les câbles cassaient fréquemment. Ah, mon Dieu. Assez pour que le public voit ça comme un petit peu une trappe à mort. Ouais. Bref, arriva le mécanicien Elisha Otis. Elisha, on dirait un nom féminin, donc je vais peut-être dire la mécanicienne, mais c'est pas précisé dans l'article. Donc, Elisha Otis et son invention miracle, l'ascenseur sécuritaire, safety elevator. Ah, c'est un gars. Donc, grâce à son ingénierie intelligente, le câble pouvait péter et l'ascenseur tenait quand même. Il y a une petite démonstration vidéo de comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. Par contre, les ascenseurs avaient tellement un stigma, comme on appelle, donc les gens avaient une mauvaise opinion, que personne ne voulait donner une chance à ces ascenseurs-là. Les ventes étaient presque non existantes. Pour montrer au public que l'invention fonctionnait, Otis a orchestré une cascade publicitaire qui, je me suis trompé deux fois dans le même publicitaire, qui allait changer comment on construit, comment on travaille, comment on vit. Donc en 1854, il a construit un ascenseur de 50 pieds de haut à l'Exhibition of the Industry of All Nations à New York. Il s'est arrangé pour que P.T. Barnum, ça c'est le gars des cirques, crée un buzz dans la foule. Otis se promenait dans l'ascenseur jusqu'au sommet et ensuite il coupait le câble qui tenait l'ascenseur, la boîte à son environnement, dans le fond le chariot, si on veut, au mécanisme. Les gens étaient tout à fait sous choc et ils se préparaient à ce que l'inventeur tombe à sa mort, mais quand la corde pétait, l'ascenseur ne tombait de quelques pouces seulement et il disait « Je suis en sécurité, all safe, tout va bien ». Juste pour faire comprendre ça, Otis a répété sa démonstration pendant plusieurs mois, montrant à des milliers de personnes que son ascenseur était complètement sécuritaire. Et aujourd'hui, environ 2,5 millions d'ascenseurs Otis sont en opération en ce moment même. Wow. Donc la prochaine fois que vous passez dans un ascenseur, imaginez-vous le câble coupé et ensuite le soulagement de savoir que tout va bien. À chaque fois que je rentre dans un ascenseur, je me dis qu'est-ce qui se passe si ça fait comme dans... Mission impossible puis que l'ascenseur. Mais ça marche pas de même. Apparemment qu'il y a des mécanismes de sûreté. Voilà. T'as plus de chance, je pense, d'être pogné dans la cage d'ascenseur à rien pouvoir faire. Ça t'es-tu déjà arrivé? Non. Ah. Quoi? Ben, je veux rencontrer quelqu'un. OK. Pour pouvoir jaser de ça. Ouais. Je trouve c'est cool. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ah, oh, tu tournes les pouces, là. Ben oui, mais pas. Là, ça commence à sortir mauvais quand tu fais tes besoins partout. Ben là, Mathieu, on parle pas de trois jours, là. Pas choix. OK, OK. Juste quelques heures. Ouais. OK. Hey, imagine, à l'époque, les dentiers étaient faits de vraies dents. Norc! Les chercheurs ont trouvé un dentier qui date de 400 ans. T'es-tu en Italie, je te le jure. Le soin dentaire n'était pas pareil dans les années 1600, mais si vous étiez chanceux, vous pouviez quand même avoir un dentier qui avait de l'allure. Les archéologues ont récemment découvert ça. Les chercheurs italiens ont trouvé une prothèse dentaire en creusant un monastère à Tuscany. En français, c'est quoi déjà? Dans la Toscane, voilà. Donc, selon le Telegraph, c'est fabriqué à partir de vraies dents. Ça a été trouvé dans la tombe d'une famille aristocrate puissante. Les chercheurs de l'université de Pise ont détaillé leur découverte dans le journal Clinical Implant Dentistry and Related Research. La prothèse ne peut pas être datée précisément, mais on estime que ça date du début du 17e siècle. Il y a des photos sur assemblagerequis.com. Le dentier avait 5 dents, dont les incisives dents centrales, les deux dents d'en avant, et les canines. Les dents étaient sécurisées par une bande d'or à l'interne, avec deux des petits un petit morceau de métal qui tenait tout ça, deux à la racine de chaque dent. Et les dentiers étaient probablement attachés à la bouche par des cordes. Arc. Wow, hein? Eh ben. Non, ça m'écœure. Ouais. On parle d'animaux maintenant, les dauphins. Oui. On a déjà enregistré des dauphins qui avaient des conversations. Ils altéraient le volume et la fréquence de leur clic de bouche pour former des mots qui mettaient en phrase un peu de la même façon que les humains le font. Chaque dauphin écoutait la phrase complète sans interruption avant de répondre. Mmh. Un peu comme dans un quiz télévisé, il faut que t'attendes la fin de la question avant de répondre. Hein? C'est comme ça. Les dauphins font la même chose. Hein? C'est cute. C'est très cute. J'essaie de faire un gag avec l'animateur de la Guerre des Clans, mais je ne me rappelle jamais de son nom. Jean-François Barry? C'est ça. On l'appelait Jean-François Barry, le petit dauphin d'ailleurs. Pas vrai? Il fallait qu'il finisse la question. Non, c'est une joke. Oh, voyons donc. Franchement. Je sais de quoi tu parles. Tantôt, on a parlé de sucre et de stevia. Ouais. On commence pas à penser que notre nourriture est trop sucrée avant que nos os aient fini de grandir, de pousser. La plupart des jeunes enfants n'ont aucune limite au sucre qu'ils peuvent trouver correct pour eux. Pas vrai? C'est pour ça que les produits pour enfants sont très, très, très, très, très, très, très sucrés. Oh, mais nous, on la voit hein, quand même, la différence sur ces enfants-là. Oui, c'est ça, parce que ça les... Sugar Rush. Hello. Lorsqu'elle était première dame des États-Unis, Barbara Bush a dit que les Simpsons étaient la chose la plus stupide qu'elle avait jamais vue. Elle a reçu une lettre de Marge Simpson. Elle a tellement ému qu'elle a répondu avec des excuses. Non! Est-ce que tu veux que je te lise la lettre? Vas-y. Attends un petit peu. « Chère première dame, j'ai récemment lu votre critique de ma famille. Ça m'a profondément blessé. Dieu sait que nous sommes loin d'être parfaits, mais à vrai dire, peut-être que nous sommes... comme le docteur Seuss disait, une personne est une personne. Je vais essayer d'enseigner mes enfants, Bart, Lisa et même la petite Maggie, de toujours donner à quelqu'un le bénéfice du doute et de ne pas parler en mal d'eux, même s'ils sont riches. C'est difficile de leur faire comprendre ce conseil lorsque même la première dame des États-Unis dit qu'on est non seulement stupide, mais la chose la plus stupide qu'elle a jamais vue. Madame, si nous sommes la chose la plus stupide que vous avez jamais vue, Washington doit être vraiment différent de ce qu'on m'a enseigné dans mon groupe d'études à l'église. Non! C'est méchant. Ouais. Et ensuite, la réponse de Barbara Bush. « Char Marge, c'est très gentil de m'écrire. Je suis contente que tu m'aies dit ce que tu en pensais. Je savais pas que tu étais capable de donner ton opinion. Je regarde une photo de toi sur un verre de plastique, et même avec tes cheveux bleus remplis d'oiseaux roses. De toute évidence, vous et votre charmante famille êtes en camping. C'est une belle scène familiale. Clairement, vous donnez un bon exemple au reste du pays. Veuillez pardonner ma langue. Barbara Bush. » Et en plus, elle dit « PS, Homer a l'air assez bel homme. » Oh mon Dieu! Ah. J'ai sauté quelques bouts, là, mais vous comprenez à peu près le genre de choses qui s'est passé. Tu connais l'émission de rénovation Les Anges de la rénovation, oui, en français? Ça existe plus. C'est fini, ça. C'est fini, malheureusement. À l'époque, c'était un dérivé. Est-ce que tu savais qu'à l'époque, Extreme Home Makeover était un dérivé de Extreme Makeover? L'émission de transformation extrême de chirurgie faciale? Non, je savais pas. D'abord, ça s'appelait Extreme Makeover Home Edition, donc transformation extrême édition maison. Puis ils ont raccourci le nom à Extreme Home Makeover parce que l'émission d'origine a été retirée. Mais voyons donc. C'est la même chose pour l'émission de perte de poids, le Extreme Weight Loss, qui à l'époque s'appelait Extreme Makeover Weight Loss Edition. My God! Ils trouvaient des longs noms d'émissions sur NBC dans le temps. Bref, une famille a gagné les anges de la rénovation après avoir adopté 5 enfants et plus. Lorsqu'on a terminé la construction de la maison, tous les enfants ont été renvoyés à d'autres familles d'accueil. C'est pas vrai, ça. Je jure. C'est selon goodhousekeeping.com. C'est quelque chose. Peut-être pour ça qu'ils font plus d'émissions. C'est assez, ouais, j'avoue. C'est un nombre de niaiseux. Pendant la prohibition aux États-Unis, il y avait une exemption pour le whisky qui était prescrit par un médecin et vendu par une pharmacie. La chaîne de pharmacie Walgreens a poussé. À l'époque, ils avaient seulement 20 magasins. Ils ont monté à presque 500 magasins, donc de 1920 à 1933. Ah, oh, ouais. On fait prescrire du whisky. Wow. Les scientifiques ont réussi à créer un fromage en utilisant la bactérie humaine ramassée dans les orteils et les nombris. Non! C'est dégueulasse! Oui, ça existe. Non, arc! La photo, en plus. Il y a une petite photo, ouais. Là. Clique pas dessus, clique pas dessus. Non. Un chat a hérité de 13 millions de dollars d'une femme de 94 ans qui prenait soin de lui. Ça a fait de lui le chat le plus riche au monde. Tu sais, quand tu dis que t'es une femme à chat. Une folle à chat, quand même. C'est le troisième animal le plus riche sur la planète. Il est précédé par Kalou le chimpanzé qui a reçu 80 millions lorsque son propriétaire est mort. Et Gunther 4 qui a hérité de 372 millions de son père. Ils font quoi avec cet argent-là, sérieusement? L'article dit de l'herbe à chat, hein? Mais non, mais tu sais, c'est 13 millions, là. Ouais. Tu sais, quand tu veux pas que ton argent s'en aille à personne. C'est ça, tu veux vraiment que ça reste dans la famille. Tu sais, surtout si la madame, elle avait pas d'enfant. Ouais. Ou si elle en avait. Le pire, c'est qu'elle en a. Je pense pas qu'ils veulent tuer le chat. Mais tu sais, ouais, je sais pas, est-ce que tu peux prendre une assurance sur le chat pour pouvoir te faire léguer, mais il peut pas écrire le testament. Ouais, le chat peut pas. Fait que finalement, les 13 millions, là. Ils sont juste perdus. Floup. Ben peut-être qu'une fois que le chat meurt, là, par contre. J'imagine qu'il y a quelque chose... Peut-être dans le testament de la madame. Peut-être. Il y a ça sûrement... dit « lorsque le chat mourra ». Je peux pas croire qu'il n'y a pas de règlement là-dessus, que si le chat meurt, l'argent va à quelque part. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de règlement point pour pas léguer d'argent à ton chat. La croyance... Ça m'intrigue. C'est un fait qui sert absolument à rien à savoir, mais je trouve ça quand même intéressant. La croyance que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi doit absolument être stupide, mal informé, irrationnel ou pire, c'est ce qu'on appelle le réalisme naïf. Ah, il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es contre moi, pis t'as tort, pis t'es épais, pis t'es pas informé. Pis, Des fois. Ouais. Des fois, mon père est comme ça. Je m'excuse pas. Ah, tu l'as dit en ondes. Je viens de le dire en ondes. Ah, moi, je gardais ça mais secret. Mais il s'assume très bien. Fait que, tu sais, je sens que je vais recevoir un message texte dans pas long s'il m'écoute. Ouais. Mais ça devrait pas. Il est en réunion. Ah, ça tombe bien. Hey, parlant de tueur en série. Non, c'est pas vrai. Parlant de problèmes psychologiques, le tueur en série Edmund Kemper a dit à une de ses victimes qu'il s'excusait d'avoir accidentellement touché son sein quelques minutes avant de la tuer. Ah, ben, tu sais, écoute, merci. Hey, je m'excuse. Ah, excuse-moi. Ah, excuse-moi. Maintenant, j'ai juste poignardé. Pas fait exprès. Mais voyons donc. Ensuite, un dignitaire s'est plaint au président Theodore Roosevelt au sujet d'Alice Roosevelt, sa fille, qui fumait sur le toit de la Maison-Blanche. Roosevelt a répondu: je peux être président des États-Unis ou je peux contrôler Alice, mais je peux pas faire les deux. C'est la meilleure chose. Très bien dit. D'ailleurs, c'est dit que Alice Roosevelt était vraiment très hardcore. Elle était une briseuse de règles, une rebelle dans une ère où les femmes étaient sous pression pour se conformer. Le public américain a remarqué plusieurs de ses exploits. Elle fumait des cigarettes en public. Oh, c'était donc bien méchant. Ouais, elle jurait des jurons, donc elle parlait mal. Elle se promenait en voiture avec des hommes. Elle restait debout tard à faire la fête. Elle avait un serpent de compagnie nommé Emily Spinach. et puis elle plaçait des mises, des gageures avec un bouquet. Ah, elle a fait plein de choses. Elle avait l'argent de le faire. Ben, c'est ça. Exact. Allez voir puis son article. Si elle a gagné, Wikipédia. Le truc. Exact. Son article Wikipédia est rempli de petites perles de détails sur sa vie. Le bruit le plus intense, le plus fort qui a jamais été créé a été créé par un volcan en 1883. Ça a créé une vague de son qui a altéré, qui a changé la pression de l'air sur la Terre pendant 5 jours et ça a fait percer les tympans des marins à 40 000 de distance de l'explosion. Tu sais, quand ton tympan perce. Ça ne doit pas être plaisant. Non, c'est clairement vraiment très douloureux. Ouais. Tu saignes des oreilles à ce moment-là, ah ouais, hein, je pense. Ça se peut, ça se peut. 40 mars, qui est 64 km de distance, wow, pour faire percer les tympans. Un homme s'est échappé d'une prison allemande en se cachant dans une boîte de carton. Il a été amené à l'extérieur par le service de courrier et il a pu s'échapper. Il n'y a pas personne qui pensait que c'était pas mal lourd pour des lettres. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Oui, tu sais, il était en prison, il était peut-être vraiment très, très micro. Peut-être aussi. Un juge a essayé de poursuivre un nettoyeur à sec, tu sais, nettoyage à sec. Oui. Un immigrant qui faisait du nettoyage pour 67 millions de dollars après qu'il s'est perdu ses pantalons. Mais là. Disant qu'il avait eu une détresse mentale, le fait que c'était pas pratique pour lui de ne pas avoir de pantalon, payer les frais d'avocat pour se représenter lui-même et. Que l'immigrant nettoyeur n'avait pas suivi sa garantie de satisfaction, la pancarte qui était affichée dans son magasin. 67 millions. Comment les gens ils déterminent pour combien ils vont te poursuivre? Hein? Ouais. Les avocats sont là pour ça. Hey boy. Hawaï a déjà essayé de combattre les sans-abri en fournissant un billet à sens unique jusqu'à la terre principale américaine, donc Hawaï qui est un territoire américain, pour les personnes sans-abri qui en voulaient un billet. Oh. Pour retourner sur la terre ferme. Ouais. Le film Ambiancé, A-M-B-I-A-N-C-E, c'est pas un film avec Beyoncé, non. C'est le plus long film en production présentement. Il dure 720 heures, 30 jours de long. Il va être montré en 2020 au complet. Ça va être sa seule représentation au complet. Non. Après ça, le film va être détruit. Une de ses bandes annonces fait 72 heures de long et va être diffusée en 2018. Pas vrai. Ambiancé, c'est un projet expérimental. Hein? Ben, méchant projet expérimental. Soulignons le mot mental. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup de subventions ou c'est genre des privés qui ont payé? Très bonne question. J'espère, j'ose espérer que c'est privé. J'espère aussi. Un oiseau, un budgie, c'est une sorte d'oiseau, nommé Puck, est dans le livre des records Guinness en tant que l'oiseau avec le plus grand vocabulaire au monde. Son vocabulaire est de 1728 mots. Non seulement, il fait pas juste imiter ce que son propriétaire lui dit, mais il crée ses propres phrases. Ouh! 1728 mots. On aime ça. Plus que bien des gens que je connais. C'est quoi? J'ai une question pour toi. Ouais. Tu sais, ici, on voit dans l'article... Mm-hmm. Parce que pour ceux qui ne savent pas... Les liens sont sur assemblagerequis.com, exactement. Bien sûr. Mais nos articles sont souvent en anglais. Ouais. Là, ça dit « Also, he wouldn't just mimic, he would often create his own phrases and sentences. » C'est ce que j'ai traduit. C'est-tu pas la même chose? Non. Mais phrase and sentences, oui, tout à fait. Ouais? Oui, je suis d'accord. OK, ouais. Merci. Oui, non. C'est là, pourquoi ils font un doublon? Ben, je me dis souvent la même chose quand j'entends « safe and secure ». C'est comme « sécuritaire et sécuritaire ouais. ». Je me dis tout le temps la même chose, mais je sais que, autant en anglais qu'en français, des fois, il y a des mots qui sont traduits par le même mot en français, mais qui, en anglais, ont deux définitions très, très différentes. Possible. Mais je crois vraiment que « phrases » et « sentences », c'est deux fois le mot « phrase ». Exactement. Merci. Ensuite, il y a l'expression qu'on dit « il faut le voir pour le croire ». Il y avait une émission avec un animateur de météo dans le temps qui s'appelait de même « il faut le voir pour le croire ». Tu te rappelles de ça? Mm-hmm. Mais « il faut le voir pour le croire », ça oublie en fait la moitié de la phrase d'origine. « Sentence ». La citation vient du 17e siècle d'un, je crois, prêtre, en tout cas, un homme du clergé là, anglais, qui s'appelle Thomas Fuller. La phrase est la suivante, « Seeing is believing, but feeling is the truth. » Donc, voir, c'est le croire, mais le ressentir est la vérité. Oh! Ça, c'est la phrase au complet. K2, qui est la deuxième plus grande montagne du monde, n'a pas de nom officiel au niveau local. Ah non? C'est tellement loin et inaccessible que très peu de gens locaux là-bas connaissent l'existence de K2. Et donc, ça a gardé son surnom donné par les gens qui font les maps et tout ça. Là, mm-hmm. En Grande-Bretagne, les gens qui se renseignent sur la cartographie, les mappers. donc, on l'appelle K2 parce que c'est son nom de code. Ah! Les hamacs peuvent améliorer la qualité du sommeil et peuvent faire que certains s'endorment plus rapidement. Étant donné que la position est diagonale, la position peut donner aussi plus de soutien et de confort. La recherche médicale nous suggère donc que les hamacs permettent aux gens de s'endormir plus rapidement et de dormir plus profondément comparé aux matelas normaux. Et le petit mouvement de va-et-vient change la nature de leur sommeil pour le mieux. Ah ouais. Intéressant. Hein? Ensuite, à Boston, si tu rapportes, si on veut, aux autorités locales, le fait qu'il y a un nid de poule, hein? Oui. Tu prends une photo. Au service de la ville, pas aux autorités locales. Au service de la ville, c'est ça qu'on dit? Au service de la ville, bon. Ben, donc, si bref. T'appelles le 911 pour dire qu'il y a un trou dans la rue, là, ils vont probablement te répondre, oui, un instant, on va vous transférer au à quelqu'un qui s'en sac pas, c'est ça. C'est ça. Donc, tu prends une photo et tu dis à ceux-là, là, qu'il y a un nid de poule et tu vas recevoir une photo du nid de poule rempli. Et une photo aussi de l'équipe qui a aidé à remplir. C'est donc bien cool. C'est qui vous à Boston? C'est hot. Oh, comment t'as dit ça qu'il faut le rapporter au qui? Au service de la service ville. De la ville. Elizabeth Taylor. Service municipal. Elizabeth Taylor. Oui, Elizabeth Taylor. Une mutation génétique. Hein? Une mutation génétique du gène FOXC2. On aurait dû demander à la Sania. À la Sania. Ce qui lui donne une rangée de plus de cils. Oh, la chanceuse. Pas pire, hein? Pas pire, pas. Le pape Francis. Elle a des sourcils plus fournis. Ouais, ça c'est. Elle a pas besoin de les maquiller. Oh, la chanceuse. Hey, le pape Francis. François? Ouais. François. Était bouncer dans une boîte de nuit avant d'être pape. C'est-tu vrai? C'est ce que ça dit sur Internet. Moi, le caché au secondaire. Quoi? J'avais une amie qui voulait devenir papette. Papette? Papoute? Non, mais tu t'appelles ça une papesse, là, en fait. Papo, là? Il me semble que c'est une papesse. Je sais pas. Ça se dit, hein, en passant un pape au féminin, là. Oui, oui, c'est impossible, mais ça se dit. Non, c'est possible. C'est une papesse. Une papesse. Parce que la papesse Jeanne est un personnage légendaire qui, au 9e siècle, aurait accédé à la papauté en dissimulant son sexe féminin. Papaouté, papaouté. Puis j'avais une amie qui voulait devenir papesse. Ben, bonne chance, hein? Pas réussi, L'auteur de Frankenstein, Mary Shelley, a gardé le cœur de son mari mort. Il l'a transporté avec elle pendant presque 30 ans jusqu'à sa mort à elle en 1851. On l'a trouvé dans un tiroir de son bureau un an plus tard, enveloppé dans une copie d'un de ses derniers poèmes. Qui a créé Frankenstein, probablement. C'était-tu le poème, est-ce que c'était Frankenstein? Mais non, Frankenstein, c'est Mary Shelley qui l'a écrit. Ouais, elle a gardé une copie de du dernier poème de son mari. Ah, du dernier poème de son mari, ouais. OK. Tu sais que le président américain pardonne des dindes à l'action de grâce? Nous te pardonnons, nous allons te tuer. De tes offenses, exactement. Non, c'est qu'il les pardonne, il les tue pas. Okay. Il les pardonne comme dans genre, tu vas te sauver de l'action de grâce. Mais il mange quoi, lui? Il mange quoi, lui? La dinde en tranche, je sais-tu. Non, presque toutes les dindes pardonnées par le président sont maintenant mortes, étant donné le fait bon, que les dindes... Vois? Étant donné que les dindes utilisées pour l'action de grâce sont comment dire... Non. Elles sont voyons. Que quand tu fais copuler deux dindes ensemble... Ouais. À coupler? C'est ça. Ils sont faits à ranger juste pour la table et non pas pour leur capacité de vivre de très, très longues vies. Tu vois? Fait que... Il les pardonne avant de les assassiner pour les manger. Non, il les pardonne, il les tue pas, puis après ça, plus tard, il meurt d'elle-même. Puis il les mange pour la peut-être prochaine action de grâce. Ça dit pas s'il les mange. Il y a une épicerie qui s'appelle justement Thanksgiving à Paris. Ça vend de la cuisine américaine comme des Pop-Tarts, du ketchup Heinz et du beurre d'arachide Skippy aux expatriés qui s'ennuient de la maison. Oh, ça s'appelle cute. Thanksgiving, c'est à Paris. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'à Paris, ils n'ont pas de ketchup Heinz, sinon? Apparemment que non. Hein. Ouais. Tu connais le virelang She Sells Seashells by the Seashore? Ouais. En anglais. C'est basé sur la vraie vie de Mary Anning qui creusait des fossiles, qui ramassait des fossiles pour vendre ça aux touristes à la plage dans les années 1800 pour aider sa famille pauvre. Oh. Elle a découvert plusieurs squelettes de dinosaures intacts et a contribué à des informations importantes au sujet de la vie préhistorique à la communauté scientifique. Merci, Mary Anning. Mary Anning, née en 1799, morte en 1847. She Sells Seashells by the Seashore. Je vais arrêter là. Il en reste plein d'autres super intéressants, mais ce sera pour une autre fois. Voilà. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Pour c'est un fait. Maintenant, c'est la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Après tant de péripéties, on a eu du plaisir à en vendre. Hein? On a découvert plein de choses aujourd'hui. Merci à Alassania Couilly pour sa chronique Le Bus Magique. On va être de retour dans deux semaines. Demain, on sera mardi et à 8h30, on aura David Ferron et le retour de la carte Bleach avec ses découvertes musicales. Et à 9h, le retour après très très très longtemps de Marie-Christine Perra et sa chronique d'art visuel gratin et vin gratuit. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on est lundi. Dans quelques instants, ce sera C'est fou le sexe. Avec Marie-Ange Perrault et Anthony Morin. Mathieu aime juste comme dire le titre de la l'émission. À 11h, c'est la sortie de secours est à votre gauche. À midi, c'est rock classique avec Alain Lefebvre, le Dr. Pendragon. Et à 20h, c'est rock de Nirvana avec du rock progressif. Cif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. On se quitte avec une dernière pièce du palmarès francophone. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une pièce de... Mauve! Mauve! Oui, j'ai tout essayé. Exactement. Et à demain, 6h30. J'ai tout essayé pour arrêter Mathieu, mais ça n'a pas fonctionné. Le gars, il cherchait. Le cerveau se faisait aller tellement vite. J'ai vu ça. À demain. Bon café. Bye.